sûr de silo hint à Brezonek. C'est l'heure de retrouver hint à Brezonek. Bonjour, c'est Anne et Henri sur RKB pour Enter Brezonek. Alors comme d'habitude, on commence par Garyou Arvué. Aujourd'hui, l'émission 370, Trihand Dek à Trihugen. Voilà. Et voilà, donc on va commencer par Garyou Arvué. Alors, il y a l'autre jour, j'ai appris un nouveau mot de la langue française. C'est le mot follower. Ah, ben moi, je ne connais pas. Le français s'enrichit tous les jours. Et donc, follower, c'est en fait quelqu'un qui est adepte dans un réseau social, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui n'ont rien de social, en fait. Et alors, celui qui est adepte d'un gourou, mais c'est pas tout à fait ça, puisque là, en l'occurrence, il s'agissait du pape. D'accord. Donc, ceux qui sont adeptes comme ça, on appelle ça des followers, hein, du mot... de l'anglais follow, hein, qui est to follow, qui veut dire suivre, quoi. Donc c'est des suiveurs, quoi. D'accord. C'est pas très valorisant, je trouve. Bon, ça fait un peu mouton, quoi. Ouais, ça fait un peu mouton, ouais. Alors follower, donc c'est ceux qui suivent comme ça. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que ce verbe to follow, il a une racine indo-européenne, hein, qui se résume à all, hein. Qu'on trouve aussi en gallois et qu'on trouve en breton, qui est un peu différente en breton, c'est « heul ». Donc, on retrouve ça hein, dans des langues indo-européennes, en fait. Hein. Pas en français, puisqu'en français, c'est « suivre », c'est une autre racine. Hein. Oui. Mais donc, on retrouve ça. Alors, en breton, c'est la racine celtique ol, hein, qu'on retrouve également, comme je l'ai dit, en gallois et en cornique. Et le mot heul, qui est un mot masculin, H-E-U-L, désigne à lui seul une suite, hein, une suite de quelque chose, hein, une suite, voilà, un ensemble d'éléments qui se suivent. Et on a dû trouver qu'en breton, il était un peu court et en général, on le rallonge. Hein. On dit « heuliad » par exemple, ou « heuliaden » même. Hein. En musique, on connaît ça. Hein. Il y a la suite, hein, puisque quand on chante ou qu'on sonne pour danser, en général, on fait une suite. Hein. Voilà. Voilà, avec un ton simple, un ton kreis ou bal, et puis le ton de double après. Voilà. Et quand c'est du bal pli, quand c'est du plin, on fait une polka plin pour terminer. Toi, tu dis pas ton père et ton hier, alors? Si, on peut dire ça aussi. Ton père, ton hier, hein. Ton sim, ton double, hein. Mm-hmm. Et ça remonte certainement à très loin parce qu'au Moyen-Âge, on trouve le trihoari, hein, qui était la danse de base, hein. Donc, qui devait ressembler à tout cet ensemble qu'on a maintenant de danse en rond, en fait, hein. Mm-hmm. Danse en rond qui tourne à gauche. Hein. Il y a en Ille-et-Vilaine, en Haute-Bretagne, il y a une danse qu'on appelle le tourne à droite qui tourne dans l'autre sens. Mais nous, en général, on va vers la gauche. Quoi. Voilà. Et donc on dit heuliad per heuliaden. Donc voilà. Donc ça a donné, par exemple, on va dire heuliaden plin, heuliad gavotten. Hein, voilà. Alors il y a aussi d'autres mots hein, qui ont été bâtis là-dessus, comme heliadur, hein. Heliadur qui est le prolongement, qui est un mot masculin. Heliadur. Bon, le mot helieur, alors le voilà, ce serait lui, notre suiveur, hein, oui. Notre adepte, notre disciple. Hein, notre, voilà. Mouton. Notre mouton. Notre mouton. Donc en anglais follower et en breton helieur. Hein. Voilà. Alors bien sûr, il y a le verbe heliant. Qui est suivre et se suivre aussi. Hein. Enem heliant, en fait, on fait aussi un verbe réfléchi. Enem heliant, qui est se suivre. Hein. Mm-hmm. Alors nous ici, on prononce plus court, on dit heuil, heuil, heuil. On disait ça pour les chevaux d'ailleurs. Heuil, heuil. Ah oui. Hein, pour dire à celui qui est dans le brancard de suivre l'autre, hein, pour que la charrette avance. Heuil, heuil. J'ai souvent entendu ça quand j'étais gamin, quoi. Et alors, il y avait aussi un conseiller municipal de Pommeride qu'on avait surnommé Job Montehuy. C'est-à-dire que Montehuy, c'est celui qui va suivre, quoi. Hein. On disait que sa seule intervention au conseil municipal est de dire « Millard avait le notre au maire ». Je dis comme le maire. Donc, il passait un mandat assez peinard, finalement. Voilà. Job Montehuy. Alors, c'est un surnom qu'on donnait à pas mal de gens, hein, Montehuy, comme ça, pour des gens qui n'avaient pas une grande personnalité et puis qui se contentaient de suivre un peu, de suivre prudemment. Voilà. Alors, le verbe « heuliant », ici on dit « heuil », et « enem heuliant », et nous on dit « non heuil », se suivre, voilà. Alors, il y a aussi, il y a d'autres formes, hein, par exemple, une forme qui est un féminin, « heuliadec », « heuliadec », qui a le même sens, hein, voilà. « heulius », « heulius », c'est quelqu'un qui est conformiste, hein. Qui a l'habitude de se conformer à la mode, par exemple, hein. Heulius, voilà. Alors, il y a aussi des formes un peu plus savantes que homme heuliant, qui veut dire escorté, homme heuliadur, le convoyage, hein. Et alors, ce verbe heul, là, ou heuliant, a beaucoup d'utilisation. Par exemple, heuer his, hein, suivre la mode. His, c'est la mode, hein. Suivre au sens de s'intéresser à quelque chose. Heuer foot, par exemple, hein, suivre le foot. Heuer Tour de France, hein, on suit le Tour de France ou le Vendée Globe, Mio Army, hein. Voilà. C'est se tenir au courant, s'informer, en fait. Ça a le sens de longer aussi, hein. Parce que mais heuer nen, hein, tu n'as qu'à suivre la route, ou bien parce que mais heuer vagor, hein. Puis heuer oas, c'est t'as qu'à suivre la rivière, hein. Voilà. Alors il y a aussi, on va finir sur un surnom que j'ai trouvé dans le dictionnaire de André Mercer là, hein, qui était instituteur à Glomel pendant longtemps. Onden heuer. Alors Onden heuer, c'est lui il traduit ça un béni oui oui. J'ai trouvé ça pas mal. Un peu dans le même esprit que le follower là. On dit un heuil-heuil, eh ben on va essayer de ne pas être trop heuil-heuil. Et on va passer à la suite. Merci Henri. Deuxième partie d'émission, Brise en Hectan Matin.

Troisième partie d'émission, Petra Zoneve à vous, Eri. Petra Zoneve. Ben, Herbla déjà, hein, plusieurs on trame de The Black Cause d'Herbla Neve, avec bonne, vraiment, et lancement d'un travail, on baille ma Bladau Ville Trisek, avec Zelta, Trisek là où a l'air Bladau Ville, Péouen Kanfer, Péouen, il y a Péouen Kanfer, j'ai comme de The Bladau Ville, mais je suis dra, pelle. Au Bertrand, vigé l'art de Zabla Deauville, l'art vigé bé d'Otoyo, Nijal, avec vigé bé morgue d'une grande pilule, où il y a un peu sort trop vigé l'art. À Bénéfine, bon, me mestra avec leur chance, n'est que bé condice, un Otoyo, où je chôme ou un douar, déjà une dangereuse ou un dix, ma hef, un de Nijal, me fait bé pelgoisso, avec leur chance, un homme que morgue grande pilule, hein. Dur à même ce half emblar un dune de glace mûr dit bitro nature vraiment à grand signe hayen un trouba bantuel de spézois béjon jardin bon comme ça mon temps de ce vel qui s'accustume de ce l'arbre douar à de sur vue et war armes vie pézel de ce l'arbre douar ba pentient en blanc vos comme ce cas de ce vota dégoût et vite comme chou l'arbre douar hein, puis tu vas grêter blanc-mont, à que pépé département, zo listé, nous voir un rank, pépini, rayé choix, vraiment, à que vos gueldes, hein, grand piou, vous êtes en mode, avec de vos racombes de zip, et vous, puis vous guardez grand piou, vous êtes, en mode. Voir, d'achat de l'arbre doux, André Vras, ne y a que rêvant d'un trou, à zéz augure, vit tout de, tout d'un temps chez nous, hein, d'un square, prise en boîte, zo être case ou à croire, hein, puis dire, prise, un aide, hein, un trouvé là que bah, boîte mort, hein, bah, boîte, londe, boîte chat à l'drévras, zo être case ou à roc, hag, prise londe, ne ce que cresse que tiemet, c'est tu, bonne ve, zo ressort zizaï, hein, vide, hag, zaver yon londe, zo tape, bah, zizaï, zé. Ag, bon, si tu veux gonner une neptor herne, hein, quand, j'avais rien de long, le drévras. Ag, waran que pis sa mode, vos galles d'on mes de zen affaires. Par de blas de zone, zuroir, vos combes de calce de zor pack, hein, puis dur, bon, zone tomate de jèche blé, ouas, grand brouillou, beau repas, war un dash en zé. Ag, combes de vos yves et calce de zelais, puis dur, bah, blas d'auville pemse, qui sens de vous déchu une grande rotaille. Rotaille ou à Bélac de place, va bla père à Pérugen, hein. Ag, sans se voir échu quand de Rotaille ou, ag, vos red card, en mode penec d'elle, vite chou la d'un trou, qu'à Zuroir, vos terres d'un trou. Bacarès, bon, zo spim, mestra, hein, peut dire, de ce que voit le belzo, zo bézi de ton emglef, très, leur stal de ce brochine, sinutra, ag Erstrol Sodial, hein, Vidor Touriou de Zéro Lès, à de Gaz Lès Zéro et de Brochina, Vid Poupigou Brochina, ag c'est usé au fin du soir, hein, ag Hervé Clède, vos tramenes de ban Touriou Zéranzin, Wardro Ace Dragon de The Lès produit de Brice, piso Bras, même Strog, ouais, quoi il vaut, pis de vos comptes. Vie d'économie est zevro, Hendel, une économie est drévras, Zuroir, ne vaut que de gualvar de jeu, babla de zone. Spi, meus, me mestra, vaut moyen de rey labour de rayon, puis dur gant de rayon, il veut justement amzor de zone en vro. Wardachen, politiqueres, comme se fait déjà de ze raktres nitron le branchu, vie de, une digreise, non? Puis je vais hounded un acte tri un digré zénant. Bonne de spèce meus bécleve da de spèce véguel bêta vraiment ne vaut que calze dra ba les en devise. Dreistol vide de rand vroyou nag vide zévena du rand vro ne vaut que calze dra. Di pit de bras et un di léni di un UDB à garer las. Puis yo wa hotas mahad on dra benek mur. Mais de mi un homme que gual dipit grandit puis dur voir un noir vigé que d'être gual hir un trou Puis dur, pévezel le demande, alors potier zitron de le branchune, de ce que calze galoud, banaforze, mais de la cadizina dur balos de papa. Dis ce véconde, quoi, herménis de la cadizina dur balos de papa. Mais là, pour vegrette, quand tu d'un inque hanlave gandendu, reste au fonctionnaire yon huel, ag, reisera là pour de résidente, ag, reis et veljus, n'en qui rente, de gaz galoud de l'erhel, l'erhel vit ma part, il se m'en regaloute. Un uncle Juan de rey de mur regaloute, ma peuswan de réseau bas rendvoyou. Au yon de moi, ag, zo et en langue vraiment, ag, hinsegan et alise, grandeau, un avigélar, ad bars, Napoléon Bonaparte, de zo, mes basine France, à zizo, devant de la Waller, zizo guiros. Un peu, tous peso belac de, ose de lac wardrobe en Bonaparte, zo chombeda. A bénéfine, pivé, kishen oborolis, n'dis, se vegouelet pesabo vegrette. Vegrette, gand, velmeus lartarp, pédo bras, hein, fonctionnaire hul, mais tu d'un in qui en a, vegrand un dut. Ave jonge des gand un dile ni dimon, galou d'a gué des cuguir tambet. A se vegouel, roas, hein. Gouelzo birois, un affaire se gand, cusul, pis sa mot cusul von Reis, pis cusul lesenstur, conseil constitutionnel, rab et nefine, pis ne swan, mames m'avait vote d'un trou, ze vegouelet, hein, Alice. Ag, Zuroir m'avait classe que de zin en carta, carta ville en braison, vos discards de gand usul von Reis du stu. Dis ce vécon. Bon, vide, comme son temps de ce blat passé, d'arrêt, de ce blat 3 minutes, blat de ville d'ose, calze draus au bégrette, hein, même strog, en un du de vro, quand kevridig et joueur vro, d'asquer, l'arbre au bégrette, quand d'astum, vide lac à leur fesnons, ou à rôle glad or bête, quand un UNESCO. Vide or braison, nug, ével juste, de ce que bégrette calze dra, blat 3 minutes, ag, de grédant que vos grède calze dra, de blat de zone. Ma treize en taille or vich penek et ne veam zur brezon nek me, ne ket blanc en vos zur war. Bon, hendel, pesamo na han pe pu dur lar an neus ket ne tra de hotas, gant piou zo tra ou de hotas na han. Ba ganim, hein, ganim, un du de zo labour an en dro de brezon nek zizo koz benefine, vegret calze draw e breiz gant ne kevriligezhou, war peptach en zo, war un endro, war a zevinad, war a brezon, war a zoneraz, hag e c'hed zikour kevrilig o jose, e vid der en mon war og. Pevelan da skoer, tud skolidi, hein, o stourm vil an brezon, ben ur skol beneket, hein, vel zo begwell, da, bon, un tamme pebler e breiz, pevel an potre de amer et d'Aïta a war an dachen, tu n'ag zo laboura de storm diffels, bon ze zira un tam speed in me mestra war an amzor de zon. Jusmat, pu yon an komz de strola d'ou dis, blam ba vo lid de tregond vet de abla RKV, ag zezo on tombe ur burzut pe vejon, je pe sa mod oa be lans et ze, tre gant de lasso, gant tu de bon, tu de youlvan, men oa renk en de gwalger petra oa radio, na pe sa mod, mais mon de reng oa rog, a lans et oa be de radio, ag bon, vejo e bester d'en trao, vejo gant de kudeno er, an de kudeno bopsa, mais benefin de zder de radio, ag zeg avant de me stra, on dra plus juste. Ag bon, gwellet vo, comme je vaut de si, des benek roise, hein, vidlar d'un temps d'un dut, pe sa mot vo gret. Hendel vi déchu, vi comme son temps de ze braison de roise, ne vaisseau, enfin, ne ce que gwell bezo, ar, d'au pétri des so, et aide de nanan une Albert Bocher, ag, hez ma treize ne peut se bête, trop de chilo, aurait abadé nous voir, RBG, à Vigeg. Hatskin, le loir RKV, Hag a hennezh eus bet studio kalz ar Yezou, hag re a badenou ar e brezhan leuk, an tamm vel gerioù ar vu e aze, am oa kalz oblijad ur chilaou nan. Hag a yo a c'hwer la perugen, a jio aze et de nan an, a zezo ur gwalgol ka plus justri oa chilaou nan, hag diske vije kalz etra ou gantan. Bon, setu, mem gren, on tamm tro de spesone a l'ar an den dun roaz blavez mat en ol de chilaou erien, tien ar vejel.